Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Bernard Alonso est un Québécois qui applique l'approche permaculturelle dans sa vie depuis 1993. Je l'ai rencontré à Auroville lors de l'un de ses séminaires. Bernard dédie son temps à la diffusion de la permaculture avec l'intention de répondre à la demande de transition sans cesse grandissante. Il forme des étudiants pour qu'ils puissent à leur tour comprendre la nature et faire surgir la créativité existant en chacun de nous. Bonjour Bernard. Peut-être pour commencer simplement, qui es-tu ? Je suis un humain qui est en transformation, qui essaye de changer son programme imposé par le monde industriel. Et je suis en transition vers un autre programme qui est de me naturaliser. Et j'ai trouvé l'outil de la permaculture, la boîte à outils de la permaculture pour le faire. Alors je suis en transition pour redevenir un homme naturel, c'est-à-dire un homme qui vit en relation et en harmonie avec les autres humains, mais surtout avec les mondes végétaux, animal, minéral. Et j'essaie de vivre, en essayant d'apporter plus d'énergie que je n'en consomme. Donc tu parles de transition ? C'est vrai qu'on arrive un petit peu à un clivage de notre société. Beaucoup de gens essaient de migrer, de transmuter, de changer de paradigme, parce qu'aujourd'hui, la forêt brûle. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à développer cette conscience et avoir envie de changer ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que tu te poses des questions sur le système dans lequel on vit aujourd'hui ? Bon, c'est un processus. Je ne peux pas dire que je me suis levé un matin en disant « il faut que je change ». C'est un processus, d'abord une découverte de ce qui se faisait dans l'alimentation. Je pense que ça a été l'alimentation qui a été mon premier départ. Et ensuite, les découvertes de ce qui se faisait pour la production animale en agriculture. Alors tout ça, ça m'a beaucoup touché. Donc, et puis, je suis né dans la nature. J'ai toujours eu un rapport très, très intime avec la nature. C'est là où je me ressource. Et en voyant ce que l'humain ou la présence de l'humain et donc ma présence aussi provoquait dans cette nature, comment on détruisait petit à petit tout cet habitat, je suis devenu un environnementaliste. Et donc agriculture biologique, mais aussi j'ai eu des fermes, dont la dernière à Rougemont au Québec, où j'ai fait de la production de l'agriculture biologique, mais aussi avec une approche permaculturelle. Tu avais commencé avec du conventionnel ou tout de suite tu t'es tourné vers le bio et la permaculture ? J'ai commencé tout de suite avec du bio. C'était la condition dès le départ et je me suis rendu compte que même le bio n'avait pas de sens. Le bio, ce n'est pas transformer ou échanger 100 grammes de produits chimiques contre 100 grammes d'intrants qui sont bons pour l'humain, mais pas nécessairement bons pour l'environnement. Le bio, c'est aussi ne pas retourner le sol et le bio retourne le sol. Alors, il y a le bio puis le bio profond. Le bio profond, c'est imiter la nature. Alors, il y a plusieurs mouvements, l'agroécologie de Pierre Rabhi, il y a plusieurs mouvements qui sont en ce moment conscients qu'il faut fonctionner avec la nature et non contre la nature. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Ce qui est important, c'est pas le mot, comme même le mot permaculture, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a des limites, on pense que c'est une culture permanente. Est-ce que c'est, on parle de la culture humaine, de l'agriculture, enfin c'est un petit peu tout. C'est vraiment, il faut approfondir la philosophie et voir que c'est vraiment le besoin de redevenir naturel, de ne plus être éloigné ou séparé de ce monde dans lequel nous vivons. avoir le rôle de s'harmoniser, de vivre en symbiose. On a perdu ça, on est devenu l'humano-centrique, un mot que je m'amuse à inventer, mais on est devenu très centré sur l'humain avant tout, et comme si tous les autres mondes étaient au service de l'humain. Alors que non, on est un élément parmi tant d'autres et on doit fonctionner dans cet écosystème. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on est devenu auto-centré comme ça sur nous-mêmes en estimant que l'homme était la super espèce plus puissante que toutes les autres et au-dessus de tout ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'étais pas là. Il y a plusieurs possibilités. Ma compréhension, c'est qu'on a deux hémisphères dans notre cerveau. On a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit, c'est tout ce qui est la bio-information, c'est-à-dire je suis né avec le programme naturel, avec la mémoire de toutes les étapes d'évolution depuis 3,8 milliards d'années. Et tout ça s'est imprimé dans un programme. Et j'ai cette connaissance, tu as cette connaissance, du mot naissance avec connaissance, imprimé dans cette bio-information. Et pour exprimer cette bio-information, l'humain a quelque chose de plus que les autres mondes animal, végétal, minéral. Il a un cerveau gauche ou un hémisphère gauche qui est le monde de l'analyse, mais aussi le monde de la parole, le monde de la communication et de l'interprétation. Et c'est aussi le monde de la culture, de l'intelligence. Le rôle de l'humain, chaque espèce a un rôle. On parle de niche en permaculture. Chaque espèce vivante, que ce soit au niveau minéral, végétal, animal, humain, a un rôle. Le rôle de l'espèce humaine, grâce à ce cerveau gauche, c'est de pouvoir créer des écosystèmes et faire avancer l'évolution. 3,8 milliards d'années, les écosystèmes se sont instinctivement conçus. Hein, les écosystèmes se sont instinctivement conçus. 200 000 ans seulement, l'humain est apparu sur Terre et son rôle profond, c'est de pouvoir avancer. La planète est née, elle va finir. Entre-temps, il y a comme une espèce de vortex et on est quelque part. Et l'humain a cette capacité par rapport à un tigre, c'est qu'il a la possibilité, il a le choix de faire des changements, et il a le choix, la capacité de prendre un système et de le mettre avec d'autres systèmes pour recréer un nouveau écosystème. Le tigre, la girafe ou le cheval, enfin le cheval c'est pas un bon exemple parce qu'il est tellement domestiqué, mais le corbeau que l'on entend, fonctionne instinctivement et suit le programme de la nature, directement de cette bioinformation. Nous on a le cerveau gauche, qui est programmé pour pouvoir recréer un écosystème. Mais on fait aussi beaucoup de conneries. En voulant recréer des écosystèmes, on va introduire des espèces dans des milieux où cette espèce n'existait pas et qui va prendre des proportions démesurées, qui va devenir envahissante et qui va en détruire d'autres. Oui, ça c'est le résultat d'un... Parce qu'il y a eu, il y a des civilisations qui ont un équilibre entre ce cerveau droit et ce cerveau gauche. Et ça crée un équilibre. Donc toutes les grandes inventions qu'on fait viennent du cerveau droit. Et à l'origine, même le monde industriel était un bon monde. On essayait de le voir bien. Mais après, on dérape et on exagère dans notre analyse. Et on a créé le monde industriel qui est un design intelligent, mais dysfonctionnel, qui est basé sur la production et la consommation. Et c'est ce qui fait que maintenant, on est complètement déraciné de notre bioinformation. La permaculture, la boîte à outils de la permaculture nous aide à reconnecter avec cette bioinformation pour pouvoir d'abord utiliser l'intuition au service du monde intellectuel. C'est, alors que quand on arrive devant une problématique ou une situation, ce que l'on fait, on essaie tout de suite de l'analyser, de trouver des solutions, en ayant comme exemple des expériences connues. Donc on est limité à notre expérience de vie. Tu es limité à ce que tu as vécu et expérimenté. Tandis que dans notre bioinformation, on a la connaissance atavique du monde. Il suffit de la solliciter. Et on est fait pour vivre en groupe. Alors, tout seul, je ne peux solliciter qu'un pourcentage, mais dans un groupe, dans une équipe, on peut avoir 360 degrés, si j'ose dire, de sollicitation et avoir une... Donc, l'humain a, dans cette monoculture agricole, qui est aussi une monoculture de vie, on vit dans des appartements, derrière la porte, c'est l'étranger qui est là. Il a perdu ce... On est fait pour vivre en groupe. On est fait, littéralement, pour vivre en groupe et travailler en équipe. Et en se détachant de tout ça, on s'est déséquilibré. Alors oui, on fait des bêtises, mais ces bêtises, forcément, nous amènent à un changement. Un écosystème, la nature nous apprend ceci, que quand un écosystème est dysfonctionnel, il est voué à disparaître. Et l'humanité, je vais être aussi drastique que ça, telle qu'elle fonctionne, est vouée à disparaître. Il y a de toute façon trois choses qui poussent. Il y a la fin du pic pétrolier. Le 2010, ça a été le maximum du pétrole à bon marché. Et tout notre monde industriel est basé autour du pétrole, ce qui a permis cette façon de nous nourrir et d'avoir 7 milliards d'individus, c'est grâce au pétrole, à cette agriculture artificielle. Il y a les changements climatiques qui, entre parenthèses, n'ont pas été provoqués par les méchants humains. Ils les ont peut-être un peu activés, mais pas beaucoup, un petit pourcentage. On nous cache les changements climatiques, ils sont là, ils ont toujours été là. Ils sont prévus et on n'a rien prévu pour nous adapter aux changements climatiques. Et enfin, un monde industriel économique qui est basé sur l'argent. Et l'argent est un système dysfonctionnel qui n'existe pas. Si les gens savaient comment l'argent fonctionnait, en 48 heures, ce serait tout s'écroulerait. Donc on apprend tout ça pendant une formation en permaculture, on apprend à remettre en perspective les choses pour se transformer soi-même. On appelle ça la zone double zéro. Se transformer soi-même, ça veut dire redevenir un être naturel qui va d'abord écouter son intuition, son instinct, qui va ensuite vivre avec une équipe, fonctionner en équipe de travail pour créer et ne plus créer à partir de ses propres forces et ses propres faiblesses. On va bientôt ouvrir cette boîte à outils permaculture, comme tu l'appelles, mais avant, je veux revenir sur un concept que j'aimerais que tu le définisses. Tu parles de bio-information. Moi, ça résonne un petit peu comme le code ADN, un peu comme la génétique. Qu'est-ce que tu entends par bio-information ? C'est des mots que j'invente pour faire comprendre à mes élèves le sens. On s'en fout du mot. Bio, c'est nature, information. Effectivement, ça vient de la mémoire de mes cellules et des gènes qui sont fort probablement chaque cellule de mon corps à la mémoire de la création de ce monde à partir de la cellule qui est sortie de la terre ou de l'eau. Et donc on a cette mémoire à l'intérieur de nous et on a accès à cette mémoire. Ceux qui ont inventé les mots ne les ont pas inventés pour rien. Connaissance, naître avec, on naît avec ça. Il suffit de la solliciter. D'abord, toutes les grandes inventions, le cerveau droit, c'est aussi la partie du rêve. Les grandes inventions sont sorties de nulle part, de l'imagination ou du rêve de quelqu'un. On connaît Thomas Edison, l'électricité, tout ça, c'est venu. Donc, on a dans cette bio-information tout ce qu'on a imité, le téléphone, c'est des choses qu'on est capable de faire. Ici, on voit très bien en Inde des enfants sur la plage, tamil avec des petits anglophones qui parlent quelques mots et qui jouent pendant tout un après-midi de temps et se comprennent. Donc il y a, au-delà du langage, il y a un langage et il y a une connaissance qui est disponible. J'ai la chance de vivre au Québec et de connaître les peuples autochtones et de les côtoyer. Et il y a encore des, des, des spécimens, oserais-je dire, de clubs d'autochtones qui ont cette capacité d'être en communion. Mais pas seulement comprendre l'autre humain sans le verbe, mais comprendre l'arbre, comprendre l'animal, comprendre la maladie, comprendre la plante. Et je donne des formations aussi en France avec l'École de la Nature et des Savoirs, avec Éric Julien, dont... Alors, c'est rien de nouveau, hein. Je ne suis pas en train d'inventer le bouton en quatre trous. C'est des choses qui sont connues, qui sont... c'est pas des gens qui ont des facilités. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des facilités, mais c'est accessible à tous. On a tous cette capacité d'aller découvrir et d'utiliser. Du reste, les formations que je donne sont basées sur des exercices pour développer la partie d'hémisphère droit de notre cerveau. Et donc pouvoir retrouver des capacités endormies au fond de notre être. Absolument, et c'est très facile. Au bout de quelques jours, tous les élèves réussissent à trouver le chemin pour aller se connecter à eux-mêmes. Et ça n'a rien d'ésotérique, c'est vraiment c'est quelque chose de naturel. Et notre cerveau comprend très vite, enfin, qu'est-ce qu'on veut faire de notre intention, puisqu'il nous propose... C'est naturel, c'est moins naturel d'étouffer la partie droite de notre cerveau que de la laisser s'exprimer. Vaishnava jan to tene kahiye je pir paraye jaane re. Vaishnava jan to tene kahiye je pir paraye jaane re. Par dukhe upakar kar. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. La permaculture, pour moi, ce n'est rien d'autre que ce que je viens de dire, une boîte à outils pour apprendre à me connecter avec la nature. Comment ? Quel est mon rôle ? Alors, comment, en délaissant toute cette connaissance et en me rapprochant de la nature, en me laissant toucher par la nature et en touchant la nature, l'agriculture en est un moyen pour se redéfinir. La permaculture, c'est la science du design. Le design, c'est l'écosystème. Comment ? Donc, c'est l'outil pour redevenir l'homme naturel, pour répondre au rôle intrinsèque de l'homme dans cet écosystème planétaire. Le rôle de l'homme dans cet écosystème planétaire, c'est de construire des écosystèmes en prenant des systèmes différents. La permaculture, on entend le design, PDC, Permaculture Design Course, le cours de design en permaculture. C'est un cours où on apprend à faire des designs, à comprendre par l'observation le rôle des systèmes existants et leur interrelation. La monoculture, c'est je travaille pour toi et tu me payes et je crée un produit. Si un ou deux casse, il n'y a pas de production énergétique. Un écosystème, ce sont plusieurs systèmes. Alors je travaille pour toi, tu ne me donnes rien, tu donnes à l'autre, qui donne à l'autre, qui me donne à moi. Et l'écosystème au complet s'entretient. Chaque système donne plus qu'il n'utilise. Et chaque système est pris en charge par plusieurs systèmes. Ça, c'est le design. La permaculture, c'est la reconstruction d'un design viable. On entend souvent sustainable, soutenable. Et comment on fait ça? La permaculture nous dit observe la nature. Elle a 3,8 milliards d'expériences. Plus que toi, et quand je suis ici, j'observe la nature et je fais un design adapté à ici. Ce que le monde industriel fait, on nous envoie à l'école, on nous apprend des mécanismes et on s'en va chez nous et on répète des mécanismes, ou on copie des designs et on fait du copier-coller. La permaculture nous instruit dans la vision que tout écosystème est unique. Parce que chaque système est unique. Il n'y a pas deux Alex comme toi. Il n'y a pas deux Bernard. Il n'y en aura qu'un dans toute cette vie, sur toute la continuité. Il n'y aura qu'un. Alors, on enlève un système et on le met par un autre et l'écosystème change. Donc l'écosystème s'adapte au changement. मोह माया व्यापे नहीं जेने रघ वैराग्य जेना मन मारे राम नाम जो ताली लागे सकल तीर्थ देना जन मारे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई C'est marrant parce que dans ton discours, on comprend bien que c'est dans cette diversité, c'est dans les écosystèmes, les interactions qu'on arrive à créer un équilibre solide. Et en même temps, on nous parle de mondialisation, d'uniformisation des cultures, de monoculture. Donc on est dans un système qui essaie de créer une idéologie, un idéal basé sur un mode de vie, alors qu'une monnaie, alors que c'est vraiment dans cette diversité que l'équilibre se trouve. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'on comprenne que c'est dans la diversité. Si tu l'as compris, d'autres doivent le comprendre. Il peut y avoir une mondialisation, c'est-à-dire, et ça c'est ma propre opinion, il peut y avoir une conscience de la planète. Au lieu de vivre dans notre petit pays, la France utilise beaucoup d'énergie nucléaire qui pollue la planète au complet. Et il n'y a aucune loi qui empêche la France d'utiliser ses énergies nucléaires et de polluer la planète entière. Donc il devrait y avoir une mondialisation de conscience. Hein. Et 80% de la planète est exploitée par 20% du monde industriel que nous sommes dans l'Europe et l'Amérique. Alors bon, cette conscience, bravo, pour moi je trouve ça. Mais dans l'unité, il peut y avoir des petites cellules. Je crois qu'on est fait pour vivre en groupe. Il y a de plus en plus de prise de conscience, de besoin de vivre en habitat partagé. Il y a un coût écologique à vivre dans un appartement tout seul. Et on ne parle pas de commune, hein, de communauté, on parle d'habitat partagé, de co-housing, d'habitat regroupé, de cohabitation. J'ai oublié tous les termes qu'il y a en France, il y a autant de termes que de gens. Et il y a cette prise de conscience que c'est plus facile aussi de vivre en groupe. Et aussi, si on écoute Bernard Liétard dans l'économie, les économies alternatives, il parle de plusieurs monnaies. On devrait avoir plusieurs monnaies et interchanger peut-être avec une monnaie, je ne sais pas. C'est un monde à repenser. On était bien partis, on a fait des choses extraordinaires, on a eu des expériences incroyables, on a été aussi loin que possible au niveau de cet intellect. Hein. Maintenant, on est allé trop loin, on a oublié un facteur principal, on a oublié d'intégrer les autres éléments de la nature. Donc il faut reculer, ou, et ça ne veut pas dire aller au Moyen-Âge, continuer à utiliser des ordinateurs et tout ça, mais savoir se remettre en symbiose avec tout ce qui est existant. Et qu'on le veuille ou non, moi je pense qu'on n'aura pas le choix, l'histoire se répète. Hein, on connaît dans l'histoire qu'il y a eu des mondes, des civilisations entières qui se sont écroulées et la nôtre, le monde industriel, va s'écrouler pour laisser place à quelque chose de neuf. Et c'est bravo. Alors ceux qui auront leur boîte à outils, l'écroulement sera plus facile. Et parce que un des premiers principes, donc la permaculture, c'est plusieurs principes dictés par la nature, verbalisés pour la compréhension humaine, mais elles ne sont pas sorties de la tête ni de la mienne de Bill Mollison ou David Dahlgreen, les fondateurs. Elle est le reflet de ce qui se passe dans la nature. Donc ces principes nous disent de... nous invitent à nous intégrer et à appliquer notre mode de vie à l'ensemble des modes de vie. Donc avec les personnes qui se seront pratiquées à s'adapter, Parce que c'est comme ça que la nature fonctionne. Il y a des bouleversements. Et si on est prêt, on est capable de s'adapter physiologiquement, intellectuellement, émotionnellement et sociétalement. Au niveau de la société, on est capable de s'adapter. Donc, il est temps de développer ce terrain. Hein, c'est du terrain pour se transformer. Et je ne suis pas négatif. Au contraire, je trouve ça très excitant. Je trouve qu'on vit dans un monde, un momentum extraordinaire où tout est permis, où on voit bien que ça ne peut pas durer. Donc il y a aussi bien, en tout cas pour mon pays au Canada, on a les grandes oreilles des gouvernements qui nous supportent. On a les gens sont prêts, sont mûrs, le fruit est mûr pour être mangé, donc tout va bien. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Donc, comment le plan de vie, ma life design, le plan de ma vie, comment je connais mon rôle. Alors, j'ai été, si la coccinelle est née avec tout ce qu'il faut pour attraper les pucerons, Bernard ou Alex est né avec tout ce qu'il faut pour jouer un rôle. Et ça, c'est indubitable et je le prouve à chaque personne qui dit « Oh ben non, je ne sais pas, datata ». Donc c'est indubitable, on a à peu près, ça va sortir dans mon livre, on a à peu près 8 ou 9 rôles. Je n'ai pas encore défini comment je vais présenter tout ça, mais je sais très bien l'adapter pendant une formation. Donc tous mes élèves partent avec la connaissance de leur rôle. Comment je peux créer un écosystème, un design dans lequel je vais m'installer si je ne connais pas mon rôle ? Alors, une fois que je connais mon rôle, il y a autour de moi, dans l'endroit où je vis, un monde qui existe dans lequel je dois m'investir. Et il n'y a pas de système qui s'investisse dans la nature, qui sont à un endroit dans la nature sans s'investir. Chaque système s'adapte et fonctionne dans l'écosystème dont il est présent. Si par exemple Alex vient s'installer ici, à Auroville, il doit découvrir son propre rôle en s'intégrant et en s'imbriquant, si j'ose dire. Ça veut dire en portant plus d'énergie qu'il n'en consomme et en servant cet écosystème. Et on se rend compte que quand le focus est dans cette approche naturelle, servir l'écosystème en m'impliquant, je n'ai pas besoin de me poser la question comment je mange et comment je vais payer mon loyer. L'énergie argent est un retour naturel. Il n'y a pas d'action sans qu'il n'y ait de réaction. Et quand je suis en équilibre dans mon écosystème et que j'apporte à mon écosystème, mon écosystème me nourrit, me loge, prend soin de moi, etc. Alors, pendant ces 2 semaines, on apprend aussi à vivre ensemble. L'humain n'est pas fait pour vivre seul. Et j'avais un élève de l'université McGill qui me dit « Mais Bernard, ce que tu dis, il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme ça. » Et il m'a fait connaître « La révolution pour un seul brin de paille » de Masanobu Fukuoka. Et il m'a fait connaître Stewart Hill, qui était encore au Canada, qui vit en Australie maintenant, qui parlait de permaculture. Alors j'ai été tellement excité, non seulement ce que je ressentais existait, mais il y avait des personnes qui étaient avant moi et qui l'adaptaient. Et de fil en aiguille, je suis passé de l'agriculture, la permaculture appliquée dans l'agriculture, à la vie sociale, la permaculture humaine, et qui est plutôt ma niche que de l'agriculture. Je suis plus un environnementaliste humain. Et donc j'ai développé toute cette partie sur une ferme qu'on a créée, qui est une permacop, où 11 personnes vivent et travaillent ensemble. Donc c'est comme une coopérative. Au lieu d'avoir une ferme, en permaculture, on approche la superposition des fonctions. Au lieu d'avoir une ferme de pommes ou une ferme équestre, eh ben j'ai une ferme de pommes, une ferme équestre, une ferme éducative, une ferme de chèvres, de fromage, sur la même espace terrain, il y a des fonctions qui se superposent et qui se servent les uns les autres, avec une entraide, avec des coûts mis en commun, ce qui fait qu'on travaille beaucoup moins. C'est un petit peu l'approche des paresseux et on vit beaucoup mieux. On n'est pas fait pour vivre 8 heures, travailler 8 heures par jour, 8 ou 9 heures par jour, 6 jours par semaine. ou 5 jours par semaine et d'avoir que quelques semaines de vacances par année. On n'est pas fait pour travailler comme des bêtes et puis pour une retraite et puis mourir pour laisser quoi. On a quelque chose de plus profond à créer. Et la permaculture m'a permis de pouvoir m'exprimer et permis à ce monde évolutif d'aller dans la direction qu'il est programmé à aller, que je ne connais pas, mais ce n'est pas important. L'essentiel, c'est d'y participer. C'est comment y aller. Ce n'est pas ce qu'on va atteindre. Le chemin est plus important que ce que l'on atteint. Et quel que soit le chemin, tous les hommes sont sur la voie. Merci Bernard. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardeailleurs.org.